Chapitre 2. Toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse, qui que tu sois. Car lorsque tu juges les autres et que tu fais les mêmes choses qu'eux, tu te condamnes toi-même. Nous savons que Dieu juge d'une façon conforme à la vérité ceux qui commettent de telles actions. Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu, toi qui juges ceux qui commettent ces actions alors que tu agis comme eux? Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de vie? Mais tu as un cœur dur, tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu te prépares un châtiment encore plus grand pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement, et où il paiera chacun selon ce qu'il aura fait. Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Mais il montrera sa colère et son indignation à ceux qui se révoltent contre lui, désobéissent à la vérité et se laissent diriger par ce qui est mauvais. La souffrance et l'angoisse frapperont tous ceux qui font le mal, les juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas juifs. Par contre, Dieu accordera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux juifs d'abord, mais aussi à ceux qui ne sont pas juifs, car Dieu n'agit pas différemment selon les personnes. Tous ceux qui pêchent sans connaître la loi de Moïse périront sans cette loi, mais tous ceux qui pêchent en connaissant la loi seront jugés au moyen de cette loi. Car les hommes agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi, mais ceux qui obéissent à ce qu'elle ordonne. Quand des étrangers qui ne connaissent pas la loi des Juifs obéissent d'eux-mêmes à ce qu'ordonne la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils prouvent ainsi que la façon d'agir ordonnée par la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience le montre également, ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent. Voilà ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des hommes, comme l'affirme la bonne nouvelle que je prêche. Mais toi, tu portes le nom de Juif. Tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais la volonté de Dieu et la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. Tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, un éducateur pour les ignorants et un maître pour les enfants, parce que tu es sûr d'avoir dans la loi la présentation parfaite de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui enseignes les autres, pourquoi ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre d'adultère, pourquoi en commets-tu? Toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple? Tu es fier d'avoir la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne sa loi. Car les Écritures l'affirment. À cause de vous, Juifs, les autres peuples disent du mal de Dieu. Si tu obéis à la loi, la circoncision t'est utile. Mais si tu désobéis à la loi, c'est comme si tu n'avais pas été circoncis. Et si l'homme qui n'a pas été circoncis obéit au commandement de la loi, Dieu ne le considérera-t-il pas comme s'il était circoncis? L'homme qui n'est pas circoncis en sa chair, mais qui obéit à la loi, te jugera, toi qui désobéis à la loi, bien que tu possèdes la loi écrite et que tu sois circoncis. En effet, le vrai juif n'est pas celui qui l'est seulement en apparence et qui est circoncis seulement de façon visible dans sa chair, mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu.